الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، sachez avec conviction qu'Allah Jalla wa Ala n'accepte parmi les actions que celles qui sont sincères et conformes. La sincérité, al-ikhlas, est l'action qui a eu pour désir la face et la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Et la conformité de l'action est l'action qui aura été accomplie et effectuée en concordance avec la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et afin que le profit soit complet, ce qui rentre également dans l'association cachée Ashirkul Khafi, qui n'est peut-être pas comptée comme ostentation al-riya, et afin d'acquérir plus de science, ayyuha al-ikhwatul kiram, les savants al-ulama ont cité plusieurs actions faisant partie de l'association cachée, en prenant comme preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ فَحَبِطَ مَا صَنِعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah nous dit, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué, et ceux-là n'auront rien dans l'au-delà que du feu, et ce qu'ils auraient fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Les savants al-ulama et al-ikhwa ont cité quatre types d'associations. Et soyez bien attentifs, ya ibad Allah, afin que vous jugiez, et afin que vous vous jugiez vous-même, et que vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Les savants al-ulama ont cité quatre types d'associations cachées à Shirkul Khafi, qui sont rejetées, c'est-à-dire des actions qui, à cause de cette association cachée, sont rejetées. Celui qui les accomplit ferait partie ainsi des associateurs al-mushrikin et des ostentateurs et des perdants al-khasirin. Le premier type est que le serviteur accomplisse des bonnes actions, donne des aumônes à sadaqat, accomplit des prières à salawat, effectue le jeûne à siyam, et lit le Coran, le livre d'Allah, prêche à Allah jalla wa ala, et bienfaisant envers les gens, et à l'encontre des injustices, délaisse les interdits al-muharramat, mais il ne désire par tout cela, il ne désire pas la récompense de l'au-delà al-akhirah. Mais il veut par cela qu'Allah lui accorde continuellement les bienfaits al-na'im de ce bas-monde ad-dunya. Il veut qu'Allah lui accorde les bienfaits de ce bas-monde et des enfants al-awlad. Mais il n'a pas le but par ses actions d'entrer au paradis al-jannah et d'être préservé et sauvé du feu al-nar. Mais il fait seulement cela pour qu'Allah lui attribue continuellement les bienfaits, de peur que ces bienfaits lui soient retirés. Cette catégorie d'actions est annulé par Allah Jalla wa Ala wa l'ayyadu billah, car le serviteur a voulu le bas monde à dunya en effectuant ses œuvres qui sont destinées pour l'au-delà et l'akhirah. Et cette catégorie a été expliquée par Ibn Abbas radiallahu anhuma. Le deuxième type et la deuxième catégorie d'actions annulées par Allah qui rentrent dans l'association cachée à Shirkul Khafi, que le serviteur accomplisse de bonnes actions, mais par ostentation al-riya, comme nous l'avions dit, afin que les gens le voient, et afin que les gens le complimentent, et afin que les gens le remercient, comme le cas des hypocrites al-munafiqoun, ostentatoire avec les gens, yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, et à peine invoquent-ils Allah, ceux-là ont leurs actions annulées et rejetées par Allah Azza wa Jal, et ils font partie des associateurs et des perdants, wal'iyadu billah. Le troisième type d'action annulée par Allah qui rentre dans l'association cachée Ashirkul Khafi, que le serviteur effectue des bonnes actions, mais désirant par ses bonnes actions de l'argent, ou bien quelques profits de ce bas-monde ad-dunya éphémère, comme effectuer par exemple l'Hajj pour gagner de l'argent, ou bien apprendre de la science afin de gouverner les gens, ou bien faire attention à bien accomplir ses prières afin d'avoir un poste dans la mosquée, ou d'autres choses. Celui-ci désire ce bas-monde ad-dunya en effectuant des œuvres destinées à l'au-delà et l'akhira, eh bien il n'aura dans l'au-delà rien du tout. Et ses actions seront annulées par Allah Jalla wa Ala et rejetées sur lui-même. Et le quatrième type d'action annulée qui rentre dans l'association cachée à Shirkul Khafi, que le serviteur fasse de bonnes actions, désirant la face et le visage d'Allah Jalla wa Ala, mais ces actions le font sortir de la communauté de l'islam. Wal'iyadu billah. Comme par exemple les actions d'Ahlul Kitab. Les actions des gens du livre. Les gens du livre, Ahlul Kitab, font le jeûne en siyam, effectuent la prière à salat, donnent le monde à sadaqat, mais ils associent Allah dans un autre endroit. Ils associent Allah Jalla wa Ala. Et ce type précisément, les savants ont dit qu'il est en grande quantité malheureusement dans la communauté musulmane. Car beaucoup de gens parmi cette communauté tombent dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar. Wa dhanbu alladhi la yughfar, et le péché qui n'est pas pardonné. Ceux qui commettent malheureusement les adorations ou une partie et consacrent une partie de l'adoration à autre qu'Allah Jalla wa Ala. Comme ceux qui consacrent des adorations aux rapprochés al-awliya et aux tombes al-qubur. Ils espèrent avec cela, certes, la face d'Allah et la satisfaction d'Allah et le visage d'Allah Jalla wa Ala, mais ils consacrent leurs adorations et ils commettent ces actions qui les font sortir de la communauté d'Islam. Voilà quatre types d'actions, ayyuhal ikhwa, qui rentrent dans l'association cachée Ash-Shirkul Khafi et même dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar, et qui sont des actions annulées et rejetées par Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qui rendent le serviteur parmi les perdants al-khasirin, et les anéantis et les ostentateurs. Yaqulu Allahu Jalla wa Ala, Allah nous dit, Ya Bunay, la tushrik billah. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et quant aux actions qui en les accomplissant, on peut obtenir deux récompenses, une récompense dans ce bas monde ad-dunya, et une récompense dans l'au-delà al-akhirah. Eh bien, elles ne nuisent pas à la personne. Comme par exemple visiter les proches. Les preuves authentiques nous informent que celui qui visite ses proches, Allah Jalla wa Ala le récompensera dans l'au-delà al-akhirah. Et celui qui visite ses proches, Allah Tabaraka wa Ta'ala étendra également encore plus ses biens dans ce bas monde ad-dunya. Et il placera sa bénédiction dans la vie. Ainsi, les actions qui ont comme conséquence la récompense dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah, les savants al-ulama nous disent, la personne sera récompensée en fonction de son intention. Naam. Voilà ce qui en est, ayyuhal ikhwatul kiram, quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette seule phrase sur laquelle nous sommes restés trois discours entiers, dans la parole d'Allah jalla wa ala, la tushrik billah, ne donne pas d'associé à Allah. Tels sont les trois types d'associations. Ash-shirkul akbar, l'association majeure. Ash-shirkul asghar, l'association mineure. Ash-shirkul khafi, et l'association cachée. Puis à la suite de cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, inna ash-shirka la dhulmun azim. Certes, l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. L'association à ash-shirka ayyuhal ahbab est ainsi la plus grande des injustices. Et le pire des crimes, et le plus grand des péchés, inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association à Allah est la plus grande des injustices énormes. L'association à ayyuhal ikhwa est une injustice. Pourquoi? Pour trois raisons. Et écoutez bien. C'est une injustice envers Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est Allah le créateur al-khaliq. Et c'est Allah le roi al-malik. Et c'est Allah l'octroyeur al-raziq. Et c'est donc lui qui mérite l'adoration al-ibada. Et personne d'autre que lui, tabaraka wa ta'ala. Al-wahid al-ahad. L'unique, sans aucun associé. C'est lui qui mérite l'adoration et personne. La deuxième raison pour laquelle l'association est une injustice est que c'est une injustice envers l'adoré al-ma'bou. Envers celui que tu as adoré en dehors d'Allah, Jalla wa Ala, envers toutes ces idoles et toutes ces statues qui ont été adorées sur terre en dehors d'Allah, Azza wa Jalla, car elles ne possèdent ni la faculté de faire du mal, ni le pouvoir de faire du bien, ni le pouvoir de donner la mort, ni le pouvoir de donner la vie, ni le pouvoir de faire la résurrection. Donc c'est une injustice envers l'adoré al-ma'boud. Mais c'est également, ayyuhal ikhwa, la troisième raison, une injustice envers l'adorateur al-abad. Car l'adorateur qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est certes rabaissé, c'est certes humilié, c'est certes dénigré, et il s'est placé humilié et faible devant cette adorée, et devant cette idole adorée en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Inna shirka la zulmun azim. Certes, l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. Dans les deux recueils authentiques selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, celui-ci nous dit, lorsque fut descendue la parole d'Allah Jalla wa Ala, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah nous dit, ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, lorsque ce verset fut révélé, il fut compliqué aux compagnons radiallahu anhu. Et ses compagnons interrogèrent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il lui dit, Ya Rasulallah, qui d'entre nous n'a pas troublé sa foi par une injustice? Qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit, ce n'est pas cela le sens du verset, mais le sens de ce verset, n'avez-vous donc pas entendu la parole d'Allah Jalla wa Ala à travers la langue de Luqman à son fils? Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô toi mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. Ainsi ici l'injustice est l'association, et ainsi Allah Jalla wa Ala nous dit, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque association, ceux-là auront la sécurité. Et ceux-là sont les bien guidés. فَاتَّقُوا اللَّهَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ. Craignez Allah, vous les serviteurs d'Allah. Et faites que les actions al-a'mal et les paroles al-aqwal soient sincères pour Allah Jalla wa Ala. Et demandez à Allah Jalla wa Ala la sincérité et l'ikhlas à tout instant et à tout moment dans cette vie de ce monde ad-dunya. Dans le musnad d'Imam Ahmed et dans le mu'jam de Tabarani rahimahullah, un hadith a été rapporté dans la chaîne de transmission et a été jugé bonne par Sheikh al-Albani dans son livre Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ayyuhan nas, ô vous les gens, craignez cette association, c'est-à-dire l'association cachée, craignez cette association, car elle est plus discrète que les pas de la fourmi. Car elle est plus discrète que les pas de la fourmi. Et alors les compagnons à Sahaba, radiallahu anhum, dirent alors, mais comment pourrons-nous le craindre alors qu'il est plus discret que les pas de la fourmi? Ya Rasulallah. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ô Allah, nous demandons protection auprès de toi contre une association que nous connaissons et nous te demandons pardon pour ce que nous ne connaissons pas. Telle est une invocation, ayol ikhwa, qui incombe à tout serviteur de la prendre, afin qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne toute association qu'il pourrait faire sans s'en rendre compte, telle l'association cachée et l'ostentation al-riya. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ô Allah, nous te demandons protection auprès de toi contre une association que nous connaissons et nous te demandons pardon pour ce que nous ne connaissons pas. Allah Jalla wa Ala nous dit, Ya Bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. As'alullah tabaraka wa ta'ala. Je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il nous place dans sa bénédiction tabaraka wa ta'ala et qu'il fasse que l'on soit sincère à lui. Et qu'il nous préserve son association, autant majeur, mineur que caché. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ses propos, et en tenant cette occasion, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaytan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il développe un bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de ce bas monde, qu'il préserve de ce bas monde et de l'au-delà, de tout mal dans ce bas monde et de au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayol ikhwa, à que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin.